Ladies and gentlemen, on the first night of their American tour, will you please welcome the Rolling Stones? bienvenue dans le Rock for Show tous les jeudis soirs de 19h30 à 21h30. Merci de régler les potards, ça me fait mal aux oreilles. Et vous êtes donc sur Radio Biz avec Tom et Phil et il y a plein de crunch, crunch, crunch, crunch, crunch. Arrête de toucher les potards. Le vinyle, il est rayé. Pas possible ça, hein. C'est pas croyable. Bon, ce soir, nous avons commencé avec de la oldies, avec les Rolling Stones. Et puis là, ce que vous essayez d'entendre, en fait, ça s'appelle The Easy Beats. Et on ne sait pas pourquoi ça déconne. Mais ça, c'est Tom, c'est rien. Il est en train de tout faire en direct. Mais le problème, c'est qu'il fait la technique avec les pieds. Voilà, ce soir, il a voulu innover. Mais ta gueule. Hein. C'est moi qui fais ça avec les pieds. Ça va, Tom? Non, ça va pas, non. Pousse mouillé. Allez, on dit bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Et ce soir, nous avons une actualité très chargée, puisque nous allons avoir en interview Florence Bucken, musicothérapeute. Alors, on va vous expliquer un petit peu de quoi il en retourne. Elle nous proposera trois titres pour illustrer son métier, pour illustrer sa passion également. Et puis, nous parler un petit peu de la pluie et du beau temps. Et puis, nous recevrons également... deux personnages émérites d'une super soirée hommage aux victimes du Bataclan qui aura lieu le 11 novembre backstage. From the Mill, c'est ça, hein? By the Mill, ouais, bah, c'est pareil, from by. C'est pas tout à fait. Pas tout à fait, hein. Et la soirée s'appelle Old Friend from. Et là, c'est là Paris. Qu'il y a from, alors. C'est là, tu vois, c'est là qu'il y a from, trompé. D'accord. Bonsoir Valérian. Bonsoir Phil. Tu nous présentes l'invité que tu nous as ramené, le merveilleux invité que tu nous as ramené. Le merveilleux bassiste de Rapture Farm, Swan. Hello. Voilà. Hello, how do you do? Do you do well? I'm fine. Ah, super. Ça sort entre bassistes, en fait. Quoi. Yes. C'est, ce soir, c'est les bassistes. Les bassistes sortent entre eux. Non, mais c'est surtout qu'on les entend jamais, tu sais, dans les groupes et tout ça. C'est ceux qui accompagnent les musiciens, les bassistes, normalement. C'est pas vrai, hein. Les chanteurs, les chanteurs aussi, en fait. Donc, tu vois, tu t'es raté. Tu as, en plus des quatre cordes, ou cinq, ou six, ou je sais pas combien, à ta basse, tu as aussi une corde vocale. Donc, oui, j'en ai même deux. Deux, hein, c'est bien. Bon bah écoutez, je pense que c'est bien parti ce soir. Donc les Rolling Stones, pourquoi? Bah tout simplement parce que ça fait 55 ans qu'ils ont entamé leur carrière. Ils sont à Paris, hein, depuis. Enfin, ils étaient à Paris encore hier, dans la nouvelle salle qui se trouve à. C'est Asnières, c'est ça? Non, c'est à Nanterre. Nanterre. Asnières, Nanterre. You Arena. Ouais, c'est à la Défense, hein, pour être ouais, simple. C'est ça, voilà. Parce que y en a qui vont te dire que c'est à Garches, les Gonesses aussi. Ouais, non, pas vraiment. Et donc, il y a eu trois concerts des Stones. Il y en a eu un le vendredi, je crois, passé. Il y en a eu un dimanche. Et il y en a eu un hier soir. Avant-hier. Hier soir. Parce que hier soir, on était mercredi. L'émission n'est pas enregistrée, elle est en direct. Ah, j'ai cru que c'était enregistré. Ah voilà, c'est ça, c'est l'erreur. Pardon. C'est l'erreur. Hein, parce que parfois on enregistre des émissions, mais là non, ce soir c'est du direct. Oui, enfin, si c'était avant-hier, on enregistre deux jours avant. Donc c'est pas grave. Alors, ce morceau des Stones, eh ben, je vous ai choisi Start Me Up en live tiré du live Sticky Fingers Live at the Fonda Theater en 2015. C'est sorti là, le 29 septembre, hein, chez Eagle Music. Il y a 13 titres et c'est tout l'album Sticky Finger pour la première fois au monde et la seule et unique fois au monde que ça a été joué. Mmh. Voilà. Donc ils sortent un DVD, un Blu-ray, un Digipack CD plus DVD et un triple vinyle plus DVD. Eh! Ça fait de l'argent tout ça. Excusez du peu, bah après faut les payer, hein, les transfusions de sang et tout ça. Hein. Donc 55 ans de carrière cette année là en 2017. Et pourtant ils paraissent encore tout jeunes, il paraît, sur scène. Moi en tout cas sur le DVD de 2015, je peux vous dire que oui, c'est vrai, ils assurent encore pas mal. Hein. Et c'est le nouveau volume de la collection From the Vault qui regroupe donc tous les concerts inédits. Hein, des Rolling Stones et qui sort chez Eagle Music. Ce concert au Fonda Theater a eu lieu le 20 mai 2015, voilà, devant un parterre de, je crois qu'ils étaient à peu près 2000 personnes, ouais, à peu près. Donc voilà, il y a des chanceux qui ont eu la possibilité de voir ça. Et ça lançait en fait la date du Zip Code Tour, qui est donc certainement en ce moment là, et qui était dans l'Amérique du Nord, voilà. Et ça a duré 2 mois. C'était super, c'était fantastique, c'était génial. Et maintenant ils sont à Paris, enfin ils sont partis. Et maintenant nous allons parler des Easy Beats. Donc, est-ce que tu connais les Easy Beats? Parce que c'est pas du tout ta génération, mais tu Easy pourrais Beats. Connaître. Tu pourrais Alors, connaître. Ce morceau là, est-ce que tu le connais? Friday on my mind. Ça ne dit rien du tout. Alors, pour la petite histoire, je vais t'apprendre, mon cher Valérian, qu'il s'agit du groupe de George Young et de Harry Vanda. D'accord. Est-ce que ça te dit quelque chose ? Là, ça me parle un peu plus. Ah, George Young, le troisième frère de Angus et Malcolm Young de AC/DC. Hein, et Harry Vanda, donc Young, George Young et Harry Vanda sont quand même les producteurs des premiers albums de, d'ACDC. Ils étaient également leurs mentors, tout ça. Bon, il est décédé le 22 octobre dernier à l'âge de 71 ans. Paix à son âme, George. Et ben, en ce moment, on a quand même pas mal hein, qui nous quitte et c'est fort, fort dommage. La carrière avait commencé en 1960 à Sydney et le groupe avait été fondé en 64. Et il se composait de 5 musiciens issus de l'immigration européenne, parce que tu sais que là-bas en Australie on envoyait tout un tas de forçats en fait. C'était un petit peu tous les délinquants qu'on avait en Europe, on les a balancés là-bas. Et en fait, ils sont devenus les Australiens. Il y avait les autochtones. Hein, donc ceux-là, ils sont venus là-bas. Et puis, ben, ça a bien fait parce que ça a donné naissance à des groupes comme ACDC, Diesel, qui c'est qu'on a eu d'autres encore, Rose Tattoo, The Angel, Angel City. Enfin bref, plein de gens. Quoi, plein de gens. Et ce titre, pour le citer, Phil, fait partie de la bande originale des films Good Morning England. Oui, exact. En plus. Donc voilà, et bien maintenant nous allons passer à de la nouveauté avant d'accueillir Florence au téléphone, puisqu'elle nous appellera de Lyon. Nous allons parler de l'actualité là maintenant présente, mais qui a eu lieu en 2017 au Hellfest. Puis il s'agit de Trust avec son nouvel album qui s'appelle Live Hellfest 2017 au nom de la Rage Tour. Ils auraient pu faire encore un plus long, mais ils n'avaient plus, hein, ils n'avaient plus de lettres. Donc ils se sont arrêtés là. Ça sort chez Vericord le 3 novembre. Et il y a 9 titres live, donc c'est l'intégralité du show du Hellfest avec un DVD, donc il y a un CD plus DVD. Et c'est pour fêter les 40 ans du groupe, après plus de 50 dates sold out, sort donc cet album. Et surtout, il y aura 5 shows à Paris qui commencent à partir du 6 jusqu'au 10. D'accord. Voilà. Okay. Et nous, on ira les voir. On va aller les voir au Trianon. Donc le 9, l'émission sera enregistrée le 8. Voilà, c'est pour te dire un peu comme ça, s'il y a un problème, au moins on sait que l'émission est enregistrée pour la semaine prochaine. Sachez que le groupe Hellfest a joué devant à peu près 60 000 fans déchaînés. On entend très très bien le public. Alors on sait qu'il y a eu plein de choses ça a un peu été par les professionnels un peu décrié ce concert de Trust, mais apparemment par les fans ça a été encensé, donc pourquoi pas. Il y a 2 titres du prochain album sur cet album qui sont L'Archange et Démocratie, donc voilà, vous pourrez écouter ça. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? C'est ce qu'on entend là, mon cher. Mais on le mettra en entier tout à l'heure. Hein. Donc il y a un CD plus DVD, un digipack, plus. C'est tout, je crois. Ah oui, sur le CD, il y a aussi une reprise d'Anthrax de Antisocial, fait avec Trust, qui a été enregistrée à Strasbourg. Voilà, d'accord. Je crois que j'ai été complet. Très complet. Les dates, donc il y aura la Maroquinerie, il y aura le Bataclan, il y aura le Trianon, il y aura l'Elysée Montmartre. Je crois que j'en ai oublié aucun. Non, je regarde ça. Et le Bus Palladium, oui, puisque la première date, le 6, ce sera au Bus Palladium. Voilà, on passe ensuite à un autre concert hommage à Wasp cette fois-ci. Wasp qui nous sort un album pour fêter les 25 années de The Crimson Idol, qui était le concept album de Wasp, sorti en 1992 chez Capitol. Eh bien, il ressort aujourd'hui réarrangé et tout ça, mais surtout, ça s'appelle Re-Idolized, The Soundtrack to the Crimson Idol. Ça sort aussi avec le film qui aurait dû sortir à l'époque et qui n'est jamais sorti. Donc là, il y aura un DVD en plus, qui en Blu-ray également, qui retrace le film de ce concept album. D'accord. Hein. Alors sachez qu'il y a eu plus de 50 heures d'enregistrer pour faire ce film, et qu'à l'arrivée, on se retrouve avec, je sais plus, une quarantaine de minutes, ou quelque chose comme ça. C'est sorti le 29 septembre chez Napalm Records. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Bon, c'est à peu près tout. Sachez que c'était quand même un concept album, et puis que le groupe sera en concert le 29 octobre à l'Elysée Montmartre et à Strasbourg le 30 octobre. Et il y a également une date à Lyon le 7 novembre au Transborder. Nous continuerons avec le Samhain Festival, mon cher Tom. Donc j'espère que tu as la date sous les yeux. Oui, le 27 et 28 octobre. Exactement. Et là, on va parler un peu plus. On va vous passer des groupes qui seront à l'affiche du 28, hein, puisqu'il s'agit de Balzer, qu'on doit vous passer déjà depuis deux semaines et qu'on n'a pas eu, le temps. Balzer, et il y aura également Belenos. Alors pour Balzer, c'est Born Let God Death. Voilà, donc je sais pas, c'est tiré des sessions de Aura, mais c'est pas sur un album apparemment. Et c'est sorti en 2013, c'est un groupe de Zurich, Suisse, donc formé en 2008. Et ils nous font du black death metal. Quant à Belenos, ils nous ont sorti un album qui s'appelle Errance Onirique. C'est sorti chez Sacral Productions en 2001. Et le titre que je vous propose de découvrir ce soir sera Morfondu. C'est ça, mon cher Morfondu, c'est du français, Phil. Ah oui, c'est Morfondu. Je sais pas pourquoi je cherche. Tout simplement. Je sais pas pourquoi je cherche à les. C'est des Bretons, ils nous viennent de Paimpol. Exactement. Ils sont formés en 95, ils ont sorti 9 titres. C'est un quatuor de Black Pagan. C'est quoi du Pagan ? Bah, c'est du Pagan, c'est des trucs qui dansent avec des tutus. Avec des kilts, excuse-moi. C'est presque pareil. Hein. C'est des danseuses, quoi, quand même, en fait. Bon, allez, on envoie la musique. Tu nous rappelleras le Samhain Fest tout à l'heure. Bah, de 27 et 28 octobre à La Misère, à côté de Rennes. Voilà, et donc, on vous en parle un petit peu plus tout à l'heure à la reprise. Musique, c'est parti. Avec qui on a dit ? Avec Trust. Voilà. Dissident, dissident, dissident. vraiment. toujours dans les studios, vous êtes toujours à l'écoute du Rock for Show tous les jeudis soirs de 19h30 à 21h30 sur Radio Biz. Désolé s'il y a des coupures, nous n'en sommes pas responsables, apparemment c'est la liaison qui ne se fait pas bien outre-Atlantique, donc ne vous inquiétez pas. Le replay, enfin la rediffusion de cette émission en ligne dès demain devrait normalement bien se passer, Tom m'a assuré, donc si ça va pas, vous écrivez à Tom. J'adore me défausser comme ça. Ce que vous entendez en fond sonore, ben non, d'abord on va rappeler un petit peu le Samhain Festival avant de passer à la suite de la programmation. On rappelle déjà les dates, donc c'est demain et après-demain à la Mézière avec qui comme groupe, mon cher Tom ? Ah, t'as plus de micro, oui, c'est vrai. Bon, donc on en reparle à la fin alors, quand t'auras le micro. Hein ? Bon, ok, on t'en piquera un quand tu pourras. Bah, tu peux piquer Sweet Swell en attendant, je pense. Allez, c'est parti, c'est tout du direct, hein, les enfants, hein, vous inquiétez pas. On y va, les craquements, les trous de micro, c'est du direct. C'est bon, mon Tom ? Bon, en attendant, ce que vous entendez voilà, en fond sonore, c'est bon. Allez, c'est parti, ouais. Le Samhain Festival. Vendredi, 18h30, oui. Ça commence avec Mars Red Sky, ADX. On a cité que Braided Cuverno, Executor et Hurlement. Ok, et le samedi ? Belenos, qu'on vient d'entendre, avec Bolzer, Atrocia, Yugal, Death Code Society et Red Dawn. Et ça commence à 17h le samedi. Très bien, la Mézières, ça se trouve près de Rennes, juste pour les gens qui veulent s'y rendre. Direction Saint-Malo, et après vous pouvez passer le week-end à Saint-Malo. Aussi. Oui, bah non, après il y a un festival qui se passe à Vouziers, après. Oui, monsieur. Dans les Ardennes. Il n'y en a pas beaucoup qui vont faire comme certains, qui vont faire Rennes, nous, on va essayer de le faire. Moi, je préfère faire Rennes-Saint-Malo, hein, si tu veux. Allez, on va parler maintenant de musicothérapie. Et ce que vous entendez en fond sonore pour illustrer la première partie, c'est The Ramones, qui nous avait sorti justement un titre qui s'appelait Psychotherapy sur l'album Suntarian Jungle, qui était sorti en 1983, groupe punk. Non, mais Tom, pourquoi tu me mets déjà Twisted Sister, hein? On peut rester sur The Ramones, ce serait bien. Voilà, merci beaucoup. Tu me le mets en boucle, c'est très bien. Et nous allons accueillir donc notre invitée du soir qui s'appelle Florence Bucken, qui est musicothérapeute, mais pas seulement. Elle a plusieurs cordes à son arc et à sa profession également et à ses passions. Bonsoir à toi, Florence. Ah, on n'entend pas Florence. C'est normal. Allô, Florence. Allô. Allô ? Allô ? Ah bon, on va la rappeler alors. Ah, c'est bon ? Voilà, c'est bon, on a du son maintenant. Bonsoir Florence ! Bonsoir ! Voilà, donc on a choisi Psychotherapy des Ramones pour illustrer un peu la première partie de cette interview. J'espère que ça te sied. Oui, très bien. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Et puis surtout nous présenter ton métier. Alors, me présenter en quelques mots, ça va être compliqué parce que j'aime bien toucher à tout. je vais présenter plus la partie du coup qui vous intéresse par rapport à la musicothérapie. Donc, alors je suis située en région lyonnaise et depuis pas mal d'années, je travaille donc comme psychothérapeute. Avec une particularité qui est d'utiliser parfois la musicothérapie et parfois dans la musicothérapie d'utiliser aussi le métal. Voilà. Je sais pas ce que je peux dire de plus, hein. Il y a pas mal de choses, mais on peut. C'est déjà très bien d'avoir présenté ça comme ça. Moi, je voulais savoir s'il y avait un style de métal selon l'âge de tes patients. Alors pas du tout parce que je travaille surtout avec j'utilise pas mal le métal avec les enfants parce que je vais utiliser la musicothérapie seulement quand je remarque que c'est un peu trop compliqué de parler finalement et c'est pour ça que je vais plutôt travailler avec les enfants qui eux vont passer par la musique, par la danse, par le dessin et par toutes sortes de choses qui vont être différentes de la parole. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est l'émotion, en fait. J'ai remarqué qu'utiliser la musique, ça touchait pas mal à l'émotion. Et j'utilise le métal uniquement quand je vois que c'est ce qui correspond à leur émotion du moment. Alors, il s'avère que effectivement, souvent, les patients que j'ai, on se dirige vers là. Je pense que je suis un petit peu voilà, j'aime bien aussi, mais c'est souvent des émotions qui vont être, enfin, une musique qui va être au diapason des émotions qu'ils vont avoir besoin d'exprimer. Mmh. Et est-ce pas vraiment d'âge? Ouais, il y a pas vraiment d'âge, donc on aura bien compris ça. Et qu'est-ce qui a motivé en fait pour la première fois l'utilisation justement de cette musique à l'instar d'une autre musique? Alors, un autre style, on va dire. Ça démarre au moment de mes études, en fait, où moi, je connaissais pas encore le métal, mais on nous faisait passer un petit peu le message que c'était la musique classique, c'était vraiment la musique de la musicothérapie. Et moi, j'étais pas d'accord avec ça. Je trouvais que c'était pas juste. Et moi, à l'époque, je travaillais avec des pré-ados dans les cités, etc. Et eux, ils écoutaient, c'était l'époque de la Starac, c'était les débuts de la Starac, et je me disais, bah, si c'est la Starac qui leur fait du bien, on va utiliser les musiques de la Starac. Et plus tard, j'ai découvert le métal et je me suis dit, ah bah ouais, c'est exceptionnel, quoi, parce que c'est super vaste. Au niveau émotionnel, on touche à plein de choses, et donc je vais aller creuser de ce côté-là aussi. Mmh. Voilà. Et justement, dans le métal, est-ce que tu utilises, on va le voir à travers les titres que tu as choisis ce soir, mais est-ce que tu utilises différents styles de métal? Parce que le métal est une musique quand même, c'est un terme générique qui englobe une foultitude de sonorités, d'ambiances et d'émotions. Est-ce que selon les patients, tu vas essayer une musique peut-être un peu plus douce, un peu plus agressive, et puis dans quel cas on utilise une musique plus douce ou plus agressive? Je démarre toujours en fait par faire écouter plein de choses et pas uniquement du métal pour voir à quoi le patient va répondre et ce qui va le toucher plus particulièrement. Et de là, je vais voir ce vers quoi je vais me diriger finalement pour aller creuser un petit peu et pour travailler plus en profondeur. Donc j'ai pas de style particulier, ça va vraiment dépendre de la personne. Alors j'avais une anecdote avec un petit garçon avec qui j'essayais de trouver, parce qu'on travaillait autour de la colère, et on essayait de trouver la musique qui allait exprimer pour lui la colère. Et je lui passais des choses de plus en plus violentes, et pour lui c'était toujours joyeux. Et du coup, je suis sortie de ce que moi j'avais sur mon PC, sur mes playlists habituelles. J'ai commencé à aller sur YouTube, j'ai commencé à passer du grind, et c'était toujours joyeux pour lui. Et du coup, c'est comme ça que je suis allée vers un des morceaux qu'on va écouter aujourd'hui, je pense, et qui finalement, pour lui, a exprimé la colère, alors ce qui n'est pas du tout ce que moi j'avais imaginé au départ. Donc j'observe en fait ce que les patients vont répondre et ce qui va les toucher, etc. Mais j'ai pas de style défini. D'accord. On va écouter un premier titre que tu as choisi, c'est Twisted Sister, I Wanna Rock, tiré de l'album Stay Hungry, sorti en 1984 chez Atlantic Records. C'était le troisième album du groupe, il contenait 9 titres, le groupe est américain, ils nous viennent de New York, ils se sont formés en 1972. Ils nous font une musique que l'on appelle en France, et le hard rock, c'est du métal. Et le groupe s'est arrêté là il y a très peu, puisqu'ils ont fait, je crois, leur dernier concert au Hellfest, ça a été au Hellfest l'année dernière. Et Dee Snider est quand même venu au Hellfest cette année, mais en tant que Dee Snider et non pas en tant que Twisted Sister. Donc Dee Snider, qui est le chanteur emblématique de Twisted Sister, et lui aussi a eu quelques déboires, on va dire, psychologiques avec son éducation, avec son père, avec quelque chose. Donc je suppose que c'est un petit peu aussi pour ça que tu as choisi ce titre. Absolument pas. Super. En fait, j'ai pas mal travaillé dans des stages développement personnel, etc., avec des enfants, et j'ai remarqué que cette chanson là en particulier, elle faisait l'unanimité chez les 2 ans 8 ans. Et c'était absolument incroyable de voir que quel que soit l'âge, quel que soit le sexe, quelle que soit leur origine, leur culture, ce qu'ils écoutaient à la maison, etc., ils étaient à fond sur cette musique-là et ils dansaient comme des fous. Donc voilà, j'ai voulu j'ai voulu faire ce petit clin d'œil par rapport à cette chanson. Très bien. En tout cas, nous, on adore ici Twisted Sister. En plus, un très, très grand vocaliste, Monsieur Dee Snider. C'était, je crois que c'était l'album d'après où c'était taillé les dents en pointe. Bon, ça, c'est un petit peu le côté extrême hein, de cette musique et des gens qui composent cette musique. Alors, on écoute tout de suite Twisted Sister avec Aaron Rock et on se retrouve tout de suite après avec Florence Bucken, musicothérapeute. De retour dans les studios, aux doux sons et aux douces mélodies de We All Die Laughing. Alors nous retrouvons Florence Bucken, musicothérapeute, qui va nous parler un petit peu de ce titre qui a une signification un petit peu spéciale. Elle avait déjà commencé à nous en parler. Donc c'est tiré de l'album, enfin l'album, c'est un deux titres qui s'appelait Folk Scanning. Qui était sorti en 2014 chez Kaotoxin et le morceau dure 32 minutes 07 secondes exactement et on donc Tom nous donne même les dixièmes donc ça c'est top. Voilà, donc parle-nous un petit peu de ce titre en particulier, Florence, savoir ce qu'il a, enfin comment tu l'as utilisé en fait, comme tu avais commencé à le dire tout à l'heure. Ouais, ben voilà, c'est justement avec le petit garçon dont je vous parlais qui avait des problèmes de colère, hein, et je cherchais le morceau qui allait vraiment correspondre à son émotion pour pouvoir l'utiliser et aller un peu plus loin. Et il s'est avéré que ben même dans le métal extrême, ce n'était pas encore assez de la colère pour lui, et que ce morceau-là, que je suis allée, j'avais la démo dans mon sac justement à ce moment-là, je me suis dit ben on va tester, on va voir, et voilà, il a trouvé que c'était exactement ce qu'il ressentait. Du coup, je lui ai proposé un exercice que je propose souvent aux enfants, c'était de en quelque sorte jouer le chef d'orchestre et avec des crayons dans les mains, en fermant les yeux, et ça lui permettait de dessiner en quelque sorte l'émotion qu'il ressentait en écoutant ce morceau. Et ben, d'habitude, ça dure une petite minute parce que ben, la feuille se remplit très très vite. Et là, je le voyais, il était presque en transe à dessiner sur sa feuille, à gribouiller. Il avait pris des crayons dans les deux mains et il se passait vraiment un truc. Et par la suite, il en est sorti de cet état un peu voilà, spécial. Je lui ai demandé de donner un titre à son œuvre, à son dessin. Et il m'a dit « Le monstre est sorti ». J'ai trouvé ça absolument fabuleux, ce titre qu'il avait donné à cette œuvre-là et à sa colère finalement. Voilà, c'est pour ça que j'avais envie de remettre un petit peu en évidence ce morceau-là aussi, qui a pu faire du bien à ce point-là, à ce petit garçon de 9 ans qui n'arrivait pas à sortir de sa colère. Ouais, et puis en plus, dans ce titre-là, comme on l'entend en fond sonore derrière nous, il est tout en douceur au début, et puis il se finit un petit peu plus en énergie, on va dire, vers la fin du morceau. On va décrypter un petit peu ce titre, hein, c'est du black avant-gardiste, c'est tiré d'un duo formé en 2013 par Arno Strobel, ex Carnival In Call, et qui a reformé après Say In See, et également chanteur de 6h33 et de DA, qui ont donc formé ce groupe We All Die Laughing, groupe belge, hein, puisque le groupe a été formé à Mons, en Belgique. Tu es belge également, Flo ? Je suis belge également, oui. Hein, donc voilà, tout s'explique, en fait. Et tu as plusieurs cordes à ton arc, comme je le disais en préambule de cette émission, puisque tu as participé aussi avec ce groupe-là à la clarinette. Oui, effectivement, oui. Et est-ce que tu joues à tes patients des morceaux de clarinette ? Pas du tout. Faudrait essayer peut-être. Pourquoi pas, oui. Alors encore une idée. Enfin, hein, voilà, c'est les idées farfelues. On les donne, hein, elles sont gratuites. Hein, on les dispense je comme prends, ça. Je prends. On ne sait jamais. On va parler d'un dernier titre, hein, qui est tiré du groupe Upon a Burning Body. Le titre, c'est Bring the Rain, et c'est tiré de l'album The World is My Enemy, Enemy Now, excuse-moi. Et c'était sorti chez Summerian Records en 2014. L'album contient 12 titres. C'est un quintet de deathcore. Alors là, c'est pareil, hein, on varie dans les styles. C'est pour vous montrer un petit peu qu'on utilise un petit peu tous les styles dans la musicothérapie. Concernant le métal, hein, je parle. Hein. Voilà, le groupe s'est formé en 2005 aux États-Unis, à San Antonio exactement. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Eh bien, je te laisse en parler et savoir pourquoi ce titre. Alors, pourquoi ce titre ? Ben, parce que souvent, quand on me questionne sur le métal en musicothérapie, on me dit « Et toi, qu'est-ce que tu écoutes ?» Et j'ai souvent beaucoup de mal à répondre parce que j'écoute énormément de choses et voilà, dans des styles très très variés. Mais ça fait partie des choses que j'écoute, et c'est d'ailleurs un album qui est dans ma voiture et qui tourne en boucle et que j'adore écouter quand je reviens du boulot parce que ça me permet vraiment de décompresser. Donc voilà, je trouvais que c'était sympa de terminer sur qu'est-ce que moi j'écoute. Au niveau des adultes, parce que là tu nous as parlé des enfants, est-ce que tu traites aussi les adultes ou certains adultes ? Est-ce qu'il y a des adultes qui ne sont pas public métal et qui seraient réceptifs à cette musique une fois qu'ils en ont écouté lors d'une thérapie ? Alors ben ça va être la suite de ma recherche finalement, parce que c'est une question que je me pose et je me dis que pour certaines personnes ça pourrait être tout à fait bénéfique. Mais il y a cette barrière finalement culturelle. Et là, je suis en train de réfléchir à des moyens, des méthodes pour justement rendre plus audible le métal à des personnes qui n'en ont jamais écouté. Donc ça, pour l'instant, je n'ai pas encore vraiment de réponse, mais je pense que oui, ça pourrait faire du bien. Et voilà, c'est en cours. Très bien. Eh bien, écoute, on te remercie pour cette brève interview. peut-être qu'on, quand tu auras les réponses justement à cette question-là, on refera, et pourquoi pas, en direct de visu dans l'émission. Parce que je pense que Tom a besoin d'une thérapie aussi pour apprendre à tourner les boutons et les manettes de l'émission. Je pense que ça pourrait être peut-être utile. N'est-ce pas, Tom ? Il m'a coupé le son exprès. Il est vilain en plus, hein, donc il faudrait peut-être lui passer du Black Death Grind en même temps, tout en même temps à Tom. Merci beaucoup, Flo, en tout cas. Et puis, on espère te revoir une prochaine fois. Et bien le bonjour à tous tes petits patients qui écoutent du métal et qui maintenant ont découvert, grâce à toi, une autre musique. Qui n'ont pas forcément l'habitude d'entendre, en tout cas pas en radio, sur les grands médias. Voilà, merci beaucoup. Merci aussi, au revoir. À très bientôt, bonne soirée. Merci, à vous aussi. Allez, on écoute tout de suite Upon a Burning Body et on se retrouve tout de suite après pour la suite de l'émission. Musique. Allô ? Stop! Allez, Tom, sors ton kilt. Non, mais remets ton slip par contre dessous parce que c'est pas beau à voir. Hein. J'aurais pas dire, mais franchement. Et Luvessi, en fond sonore, tiré de l'album Evocation 2 Pantheon, sorti chez Nuclear Blast le 18 août dernier. Voilà, 18 titres de folk death composés de 9 membres du groupe. Alors, il y a de la. Maintenant, il y a du chant féminin. Avant, il n'y avait pas de chant féminin, il me semble, dans Evocation. Si, peut-être, je sais pas. En tout cas, il y avait des violonistes, il y avait des violistes, il y avait des. Voilà, c'était beaucoup, beaucoup sur scène. Eux, ils peuvent pas jouer au backstage from by the bye, mill. Bye. Non, non, on va dire bonjour d'abord. Bye. Hein, le groupe s'est formé en 2002. Je parle de Evocation, bien sûr. Hein, c'est un groupe suisse. Et ils seront en concert le 2 novembre à Paris avec Amarante. Il n'y a rien de drôle. Non, c'est pas marrant. Non. Hein. Merci. C'est bien. C'est pas moi qui l'ai fait, celle-là. Je suis content. Ah. Et voilà, donc vous pourrez aller les voir en concert. En tout cas, c'est très très bien sur scène. Hein. Moi, j'ai toujours kiffé grave parce que c'est joyeux. Puis il y a plein de nanas dans le public. Ça, c'est super. Ouais, les filles aiment bien ça. Ouais, elles aiment bien ça. Elles aiment bien la vielle. Je leur joue du violon de temps en temps, mais elles aiment bien la vielle. J'aime bien aussi quand elles font du pipeau. Oh, ça. Moi, je pipote aussi pas mal. Hein. N'est-ce pas, Tom? Ça va, Tom? Non, Tom est en train de dormir. Donc, c'est pas grave. Nous allons parler maintenant. Ouais, ça bastonne. Ouais. Ça bastonne. Ça bastonne. Nous allons parler maintenant de Old Friends from Paris. Organisé par. C'est quoi? C'est MF Production? Tout non. À fait, hein, tout c'est à ça fait. MF Production ou MF Crew Production? Non, MF Production. Dont nous avons un membre ici présent. Ici présent. Valérian. On ne le présente plus. Hein, Là. Un membre émérite de MF Productions qui joue également dans MF. Tout à fait. Et qui a fait les bonheurs du Paris Metal France Festival. C'était bien. Faut que je le passe. Hein, faut que je le passe à chaque mais fois. Mais c'était bien. C'était bien. Vous avez kiffé grave. Bon. Je peux te dire que dès aujourd'hui, on peut te dire aussi que Polo. Et notre ingé son officiel. Tout à fait. Ouais, on l'a vu au Fertois d'ailleurs. Tout à fait. Hein. Et bien tant mieux, Follow qui était donc un ingénieur du son au du PMFF et qu'on salue bien. Salut mon petit Rochefort. Tout à fait. Nous allons donc parler de cette idée de rendre hommage aux victimes du Bataclan qui sont tombées en 2015. Tout à fait. À travers cette soirée, Old Friends from Paris, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette organisation, de comment est venue l'idée? Bon, l'idée, c'est clair qu'à tout le monde, on aimerait faire un hommage à ces victimes parce qu'on trouve que tout ceci a été très, très, très injuste, comme tous les morts qui sont dus au terrorisme, bien évidemment. Mais ça nous a touché particulièrement parce que plein de concerts ont été organisés au Bataclan et c'est là où on allait régulièrement. C'est ça. Donc, j'ai un ami qui. Bon, Emmerich, qui était au Bataclan, bon, qui s'en est sorti. Donc on voulait organiser une soirée l'année dernière. L'année dernière c'était très compliqué, on n'avait pas encore les bonnes connaissances, on n'avait pas encore les idées, etc. Enfin, on n'a pas pu faire ça, organiser ça l'année dernière. Donc du coup cette année on a voulu faire quelque chose de bien dans une bonne salle parisienne, avec des bons groupes, avec des groupes parisiens, avec une bonne ambiance, avec quelques petites idées pour animer toute cette soirée. Et donc du coup... On a eu un petit budget qui sort de notre poche et puis on a voulu aider une association, donc Life for Paris, qui est une association d'aide aux victimes du 13 novembre 2015. Et donc on a voulu faire une date pour leur rendre hommage, tout à fait. Et puis pour cette soirée, tous les bénéfices de la soirée reviendront à l'association marraine, donc Life for Paris. Très bien. En tout cas, c'est une très très bonne idée et elle est louable. Et on vous enjoint tous à venir le 11 novembre. Donc c'est à Paris. On va rappeler l'adresse. Donc c'est 92 boulevard de Clichy, Paris 18e, métro Blanche, donc ligne 2. Métro Pigalle, ça marche aussi à pied, il y a 5 minutes. Et c'est bien Pigalle parce qu'il y a une autre ligne qui arrive dessus. Pigalle, je sais plus, je crois que c'est la 12. C'est possible. Voilà. Il y a la 2 et la 12. Voilà. C'est ouverture des portes à 18h, fin du concert à 23h. L'entrée c'est 12€ en pré-vente sur WizEvent. Vous pouvez retrouver ça sur Facebook, sur la page, sur l'événement officiel de la soirée. Donc c'est 12€ sur Wiz Event et sur place sera 15€. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Il y aura d'autres personnes qui vont venir en dehors de... Enfin, il y a une autre chose qui est prévue au Black Dog, je crois. Voilà, tout à fait. Donc il y aura sûrement... Enfin, il y a une petite soirée after concert au Black Dog à Paris, à Châtelet. Alors, les concerts, parce qu'il y aura trois groupes. Tout à fait. Hein, ça commencera donc à 18h et 18h. Ça termine vers... 23h. 23h. 23h, la salle sera évacuée. Alors donc c'est, on vous le rappelle, hein, c'est le Backstage by the Mill, tout à fait. Qui est l'ancien O'Sullivan, pour tous ceux qui connaissaient l'adresse. Donc c'est pas très loin de... C'est au Moulin Rouge. C'est au Moulin Rouge, voilà. Hein, c'est pas Moulin très loin Rouge, de l'ancienne locomotive. Voilà, tout à fait. Voilà, donc les groupes, on va en parler maintenant. Tout hein, à fait. Puisque nous allons vous passer les trois groupes, on va commencer par la tête d'affiche. C'est ADX qui sera à l'honneur. Tout ce soir-là. Mais attention, tout est vraiment reversé à l'association. Voilà, hein, donc c'est un concert caritatif. Donc les groupes ont accepté de venir bénévolement. Mm-hmm. Donc c'est déjà très important pour nous parce qu'on voilà, on est une petite asso, souvent, mais voilà. Donc les groupes viennent bénévolement et ADX a accepté tout de suite, nous a dit oui. Bah, on peut raconter pourquoi ADX a dit oui également. C'est que le lendemain de l'attentat du Bataclan, le groupe jouait au Glazart, oui, pour le festival l'Ultime Fest numéro 2. Tout à fait. Et en fait, bien entendu, la date a été annulée parce que décemment, on ne pouvait pas faire un concert après ce qui s'était passé au Bataclan. Donc ADX se sentit vraiment, vraiment impliqué par le fait de participer à cette date et accepter cette proposition. On va écouter La Furie. Radix tiré de l'album Non Serviam, production Ultime Record, sorti en 2016. Et on vous rappelle, donc ils seront en concert le 11 à Paris, mais ils seront également le 27 à La Mézière, c'est-à-dire demain soir à La Mézière. Et le 28 au Metal Conquérant Fest. À Caen. Ça c'est MF Crew, ça. Non, le ADX. Ah non, pardon. Non, ADX ne sera pas le 28. Je me trompe. Non. Ils seront le 28, mais en novembre. Le 28 novembre, ce sera à Crône. Ah bah tu vois, j'étais pas loin. C'était le 28, mais c'est le 28 novembre à Crône, en région parisienne. On vous en reparlera, parce qu'on fera une émission un petit peu spéciale sur le festival Musicowai. Donc le 11 à Paris, ADX sera avec MF Crew et avec Rapture Farm, dont on parlera tout à l'heure. Puisque nous avons Swan qui est là, ici dans les studios. C'est moi. Et qui viendra nous parler de son groupe, puisque c'est la première fois qu'on le reçoit. Et on en diffusera un extrait. On envoie tout de suite la musique avec ADX et on se retrouve tout de suite après avec le Old Friend from Paris. Révulsé de mépris, traîné dans les viscères, il ne peut partager ma collection de chair. De mes mains, la vie se détache, et ce cœur du corps, je l'arrache. Un florilège de mots qui sort de mon génie, orné les plus belles pièces d'un jus qui pétrifie. Une danse devant mon De retour dans les studios, vous êtes toujours à l'écoute du Rock for Show tous les jeudis soirs de 19h30 à 21h30, rediffusé et diffusé en direct par Radio Biz, que l'on salue. On salue Eric et on salue tout le monde de RadioQuébec.biz. Ce que vous venez d'entendre, c'était ADX. Ils seront donc tête d'affiche du festival caritatif. On vous enjoint à acheter vos places. Ça coûte 12 euros en pré-vente. C'est le Old Friends from Paris. Ça se trouve au backstage by the Mill. Et ce sera le 11 novembre. Nous allons parler avec Valérian de la suite des groupes qui vont se présenter. Et là, ça tombe bien puisque c'est son groupe MF Crew. C'est mon groupe. Ah. Ouais, ça tombe bien. Hein. Ça tombe très bien. Eh. Alors, vous en êtes où parce que vous étiez venu ici en juin? Oui, tout à fait. Ah, ouais, c'était en juin pour First Ride, qui était en fait le premier album, mais pas le premier CD, puisqu'il y avait eu avant une démo, le petit EP de MF Crew, hein, qui nous avait vraiment plu puisque vous étiez venu dans aussi, nos anciens studios, tout à fait, hein, présenter cet album. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans MF Crew? Alors, depuis que l'on s'est vu nouveau depuis le Fertois, en fait. Voilà. Alors. Pour cette fin d'année, début d'année prochaine, il y a un petit album acoustique qui arrive. Ça va être bien, ça. Ça va être très très bien. Donc, toutes les musiques ont été revisitées. Bon, pas toutes, il y en a certaines qui restent à peu près comme elles sont aujourd'hui. Mm-hmm. Il y en a beaucoup qui ont changé. Donc, il y a vraiment un nouvel apport. Il y aura plein de featuring. D'ailleurs, Swan, tu le sais peut-être pas encore, mais tu seras en featuring, d'ailleurs. Bon, voilà. Swan, bassiste chanteur de rap. Rapture Farm. Je ne voudrais pas me tromper dans la prononciation, donc c'est bien, c'est tout simplement Rapture Farm. Voilà, Rapture Farm. Ok. Donc voilà, petit album acoustique avec pas mal de featuring de groupes copains. Donc voilà, ça sortira début d'année là. 2018. On espère pour Noël, mais ça risque d'être compliqué pour Noël. Fin 2017. Donc voilà. On ça espère se mettre au travail parce que là, tu viens de le prévenir ce soir, il en tremble déjà. Oui, il en tremble déjà. Hein. Surtout que la musique que j'ai choisie pour lui est pas facile. Tata Yo-Yo, hein, de Annie Crowdy. C'est ça. Bon, bah écoute, va falloir que tu t'y mettes. Si tu veux, on pourra répéter, parce que je connais très très bien la dame en question. Bah, avec plaisir. Hein. Avec plaisir. Donc MF Crew, peut-être quelque chose d'ici la fin de l'année. Voilà. Ça c'est bien. Sûrement quelque chose d'ici la fin de l'année ou début d'année prochaine. Voilà. Qu'est-ce que vous allez proposer comme show pour justement le Old Friend from Paris? Et un show tout complet, tout nouveau, avec normalement deux nouvelles musiques. Bien. Deux nouvelles musiques et donc ce sera un set d'à peu près 1h, 1h10. Mm-hmm. Voilà, donc... ce sera un show, ce sera la première fois qu'on fait ce set. C'est un nouveau set, c'est un set qu'on vient d'accomplir, qu'on vient de tout finir. Voilà. Il y a toutes les transitions, tous les petits trucs. Normalement, c'est tout joli, tout beau. Très bien. On a hâte d'y être, en tout cas. Ouais. Hein. Et ce sera filmé, en fait, juste comme ça. Alors, ce sera... C'est en pourparler. En pourparler. Voilà, tout à fait. Est-ce que ce sera intéressant, quand même, de voir... Et puis pourquoi pas après sortir un DVD pour continuer pourquoi à avoir des bénéfices pour l'association. Ce serait, tout à fait, ce serait une bonne idée. Hein, voilà, c'est comme ça. Je vous donne des idées ce soir. Hein, oui, c'est pas gratuit, ce soir. Hein, c'est gratuit. Merci. Alors sachez que nous on va pas vous faire gagner de place ce soir pour ce concert parce que c'est un concert caritatif. Donc ce qu'on voudrait, c'est quand même qu'il y ait de l'argent qui rentre dans l'association. Par contre, les groupes sont pas venus les mains vides. Donc on peut vous offrir un CD de MF Crew ou un CD de ou un CD de Rapture Farm au 06 81 01 28 34. Voilà, merci Tom. Donc voilà, ça sera c'est comme ça. C'est il y a pas de question, il y a rien, c'est juste qu'on ne peut pas vous offrir nous en tant que Rock for Show, on n'a pas envie de vous offrir de place de concert parce que c'est vraiment de l'argent qui va aller à l'association, mais par contre, on peut vous offrir un CD des groupes qui jouent sur le festival. Nous allons parler maintenant un petit peu de Rapture Farm. Bah d'abord, je vais vous dire quel titre de MF Crew on va passer. Voilà, hein, quel titre? Dis-moi. Le meilleur titre de l'album. Le plus rigolo. Voilà. Et puis, et surtout, c'est aussi un hommage à quelqu'un qui a disparu aussi en décembre 2015. Aussi. Un hommage, un petit peu. Puisque c'est Jean Bomba. Tout à fait. Hein, tout à fait, je viens de réfléchir. Bah, quand même, un peu. Oui, tout à fait. Hein. Donc vous allez reconnaître là dans une rythmique un petit peu, hein, peu voilà, un peu lourde, un peu speed. Voilà, donc Jean Bomber tiré de l'album First Ride qui était une autoproduction sortie le 18 août Non, non, c'est ça. Non. Non, non, c'est pas ça. C'était sorti quand ça? C'est mars. C'est mars. 18 mars. 23 mars. 23... La release partie le 23 mars. C'était la 20. Voilà. D'accord. Voilà. Ok, mais nous on l'avait eu un peu avant, c'est pour ça. Ah oui, t'es ah. un peu. Ah, je privilégie. Ah, mais non, mais nous on paye hein, sinon. Ouais. Ah. Je dirais pas combien. Allez, on va parler maintenant de Rapture Farm, qui est le troisième groupe, enfin le groupe qui va ouvrir en fait cette soirée. Voilà, exactement. C'est Swan, nous la soirée. Je te laisse présenter ton groupe. Eh bah, écoute, nous on est Rapture Farm, on a été fondé en 2014. Je vérifie. Oui, oui, tu as raison. voilà, donc nous on a déjà fait quelques dates avec, avec les copains de MF Crew, donc quand ils nous ont proposé ça, on n'a pas hésité une seule seconde, quoi. C'est ouais, carrément, vous pouvez compter sur nous. Et puis voilà, on a sorti un EP il y a un an, presque jour pour jour, puisque de mémoire il est sorti le 19 octobre 2016. Donc, voilà. EP, ça c'est précis au moins. Oui, monsieur. La précision est de midi. Quel style musical peut-on trouver à l'intérieur du CD, donc du EP, de Rapture Farm? Ouais. Il y a combien de titres déjà? EP 5 titres. Bien, bravo. EP, comme 5 les 5 doigts de la main. Exactement, comme les 5 doigts de la main et les 5 moins 1 membres de Rapture Farm. Oui, parce que tu cumules, toi, t'es voilà, chanteur, bassiste. Moi, j'ai la double casquette chanteur-bassiste, parce qu'en tant que bassiste, comme je sers à rien, fallait quand même me donner un rôle. Donc, Non, il voulait pas le payer, le bassiste. Il s'est dit, bah, puisqu'on veut pas me payer, je vais chanter, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc voilà, EP 5 titres, on fait de l'alternative, rock, metal alternative. On est très très influencé par des groupes comme Shinedown, Skillet, Five Finger Death Punch. Voilà. Tout, que du bon quoi. Que du bon, voilà, tout ce genre de trucs, c'est ce qu'on prend, on en garde le meilleur et on essaye de faire croire que c'est nous qui l'avons écrit. Voilà. Très bien. Est-ce qu'à part cette date-là, vous allez faire d'autres concerts dans la région ou est-ce qu'il y a des choses de prévues? Bah on a des concerts qui sont en pourparlers là dans les semaines et mois qui vont venir, mais pour l'instant rien de concret après le 11. Donc, Très bien. Bon, en tout cas, s'il y a quelque chose, vous nous faites signe. Nous, on en parlera avec plaisir à la radio. Ce que vous entendez en fond sonore, on vous l'a pas dit, mais c'est Bumblefoot. On vous en reparle d'ici la fin de l'émission. Tout simplement parce que le groupe sera en concert et qu'il y aura des places à gagner durant l'émission au 06 81 01 28 34. Mais là, il y aura une question. Par contre, vous pouvez rafler soit un CD de MF Crew, soit un CD d'ADX, soit un CD de Rapture Farm en nous appelant au 06 81 01 28 34. Alors attention, ce CD vous sera remis le jour du concert, le 11 novembre. C'est-à-dire que là, pour le coup, il faudra quand même payer votre place. Ouais, contre l'achat d'une place, bien sûr, c'est ça. Ah oui, mais ils ont un CD gratuit. Mais un CD, un vrai, hein, pas un truc pas gravé. Une copie. Hein, pas une copie, voilà, un vrai CD. Mais donc, vous le récupérez à l'entrée lorsque vous aurez acheté votre place. Dans la salle. Dans la salle, sur présentation de votre place. Tout à fait. Hein, on l'écoute tout de suite, MF Crew, Rapture Farm, oui, mon cher. Au passage, Tom, on peut signaler que le problème aurait été résolu au niveau du streaming. Ah, au niveau du son, oui, je pense que les auditeurs l'auront entendu. Désolé. Donc, on écoute MF Crew, Rapture Farm. Alors, Rapture Farm, on n'a pas dit, le titre, c'est Today. Today. Aujourd'hui. Voilà. Et le EP s'appelle, il a un titre? Le EP s'appelle Welcome to the, je ne dirais pas le quatrième mot, show. Ah, voilà. D'accord, très bien. Allez, on envoie tout de suite et on se retrouve tout de suite après avec... avec Valérian, avec Swan, oui, et puis avec fait. Tom, avec voilà, Tom. Et puis Phil. Ouais. Éventuellement. 2, 3, 4! Down. De retour dans les studios, vous êtes toujours à l'écoute du Rockfort Show avec Tom, Sohan, Valérian et Phil pour vous accompagner jusqu'au bout de la nuit, les démons de minuit. Ah non, merde, c'est pas ça. C'est pas tout à fait ça, mais bon, avec l'ambiance lumineuse que nous avons, qu'il y a eu. Ah bon, c'est fini. Ah, c'est fini, mais non, mince, c'était bien. Bleu, rouge, vert, orange. Bon, bah là, ouais. Ah, maintenant je vois les yeux de Valérian. Ah, bah non, remets la lumière. Réteins la lumière. Allez, trêve de plaisanterie, ce que vous venez d'entendre, c'était donc MF Crew et Rapture Farm, et on vous rappelle qu'ils seront au Old Friends from Paris, ce sera au Backstage by the Mill le 11 novembre, entrée en pré-vente 12€, et sur place 15€, donc n'oubliez pas, c'est... du caritatif, donc en fait tous les bénéfices de cette soirée seront reversés à l'association Life for Christ. Et je crois que le micro de Valérian n'est pas allumé. Voilà, donc c'est, je suis obligé de tout répéter, donc c'est Life for Paris. Life for Paris, hein. Donc voilà, on compte sur vous vraiment, parce que c'est pour donc la bonne cause, et surtout en hommage aux victimes du Bataclan de 2015. Ce que vous entendez en fond sonore, le groupe s'appelle Angelus Apatrida, ils sont espagnols, c'est super, on adore. Olé ! L'album s'appelle Hidden Revolution, il est sorti chez Century Media en 2015. Il contenait 11 titres, c'est un quartet de thrash metal, c'est vraiment excellent. Le groupe s'est formé en 2000 et ils seront en concert le 2, voilà, quand on parlait tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de concerts en novembre et beaucoup le même jour, eh bien le 2 novembre, il y a aussi le concert au club avec Angelus Apatrida, No Return et un autre groupe, je crois. Donc voilà, c'était pour vous les annoncer. Un autre concert à annoncer, c'est celui de Uneven Structure, et nous avons des places à vous faire gagner au 06 81 01 28 34. Voilà, l'album de Uneven Structure s'appelle La Partition. Le titre Alkaline Throat. Ouais, Alkaline Throat. C'est pas trot, c'est pas un cheval. Throat. Hein, c'est throat, c'est la gorge. Throat. C'est la. Tu vois, hein, throat. Deep Throat. Ça, tu te rappelles pas de ce film porno, Deep Throat? Gorge profonde. C'est ton style, c'est ton truc, ça. C'est sorti chez Long Branch Records le 21 avril de cette année. C'est le deuxième album du groupe, il contient 11 titres. C'est du métal expérimental, c'est un sextet formé en... Toi, sextet, voilà, tu vois, gorge profonde, sextet, c'est normal. Formé en 2007, et ils nous viennent de Metz en France, hein, bien sûr. Ils seront en concert le 3 novembre, bien sûr, et ce sera au Petit Bain, 06 81 01 28 34, si vous voulez rafler une place pour aller les voir. Autre groupe qui sera en concert, Corroded, qui est un groupe suédois. L'album s'appelle Defcon Zero et le titre, mon cher Tom, Fall of the Nation. Exactement, c'est sorti le 14 avril 2017 chez Despot Records. Il contient 11 titres. Le quintet de Heavy Melodic sera donc en concert. Au Petit Bain également. Avec Pain et Saucis. Saucis. C'est pas saucisse, hein. C'est pas saucisse. C'est mais ça pourrait être saucisse. Moi, je pense que ça, le jeu de mots, il est là. C'est saucisse. Ils ont d'autres concerts, mon cher Tom. Oui, ils seront à Lyon. Au CCO. Ouais, enfin, à côté de Lyon, parce que c'est à Villeurbanne. Oui, et le 28 octobre. Non. Si, 28 octobre à Lyon, CCO, voilà. Villeurbanne, excuse-moi. Et donc le 1er novembre. Le 1er novembre à Colmar. Au Grienne, voilà. Très bien. Alors, est-ce qu'on a des places à faire gagner pour Corroded? Allez, ouais, tiens, on vous offre une place pour aller voir Corroded. 06 81 01 28 34. C'est au Petit Bain. Que veut dire Corroded? Voilà, ça, c'est la question. Pareil pour Uneven Structure. Que veut dire Uneven Structure? Oh putain, les questions à la con du Rockfort Show. On est mal parce qu'on est mal. Mais dans Paradise le Lost, on passe pas du coup. Si, on va passer aussi Paradise Lost, le paradis perdu. Alors ça, parce je vous donne la réponse. Ils sont en concert aussi. Je vous donne la réponse parce que de toute façon, j'ai pas de place à vous faire gagner. Le morceau s'appelle Blood and Chaos, tiré de l'album Medusa qui est sorti chez Nuclear Blast le 15 septembre dernier. 8 titres plus 3 bonus sur la version Digipack. C'est un quintet de metal gothique anglais. Et ils se sont formés en 1988. Ils nous viennent de Halifax. Ils seront en concert le 31 octobre, le jour de la fête des morts. Enfin, de la fête des morts, non, le jour de Halloween, parce que c'est le 31 qu'on fête Halloween. C'est le 31 au soir. Et la fête des morts, c'est le 2. C'est le 1. C'est le premier. La Toussaint, la Toussaint, c'est le 1. La fête des morts, c'est le 2. La Toussaint, c'est la fête des saints. À tous, hein. Ah, tous vos saints dehors, super, génial. Voilà, je crois que je vais adorer cette journée de la Toussaint, donc c'est le 1er novembre. Mais eux seront en concert le 31 à Paris, où ça? On sait pas. Non, c'est pas marqué. Ce sera donc avec Pearl Bearer et Sinistro. On envoie tout de suite la musique et on vous rappelle le numéro de téléphone 06 80 01 28 34. Everywhere I look, everything I see, turning into shit, gotta be something more than this. faces watching everything from high up above. We are the ones whose idols standing by and watch them burn. À l'écoute du Rock for Show tous les jeudis soirs 19h30 21h30 sur radioquebec.biz. Ce que vous entendez en fond sonore, le groupe s'appelle Crazyx, ils étaient à l'affiche du Rising Fest et apparemment ça a cartonné. L'album s'appelle Rise, 3 petits points, Zen Rest, sorti chez Kalawas Records en 2013. Et le titre que vous entendez, c'est le titre éponyme. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ? Eh bien, ils seront en concert le 28, c'est donc deux jours. À Paris, ils seront avec Black Ned. Par contre, j'ai pas la salle, mais ça, vous allez la retrouver. C'est à Paris, en tout cas, Crizix et Black Ned. Nous allons vous laisser avec Wednesday 13, tiré de leur album Condoléances. Cadaverus, c'est le titre que l'on va vous passer, sorti chez Nuclear Blast, le 13 juillet 2017. L'album fait 13 titres, c'est un quintet de glam rock formé en 2004. Ils nous viennent des États-Unis et le concert aura lieu le 31 à Paris. Voilà. On va vous parler aussi de Bumblefoot, dont on vous a parlé tout à l'heure et où on avait des places à vous faire gagner. Dont vous entendrez sans doute un extrait. Et des albums de Bumblefoot à gagner. C'est tiré de l'album Little Brother is watching. Et c'est sorti le 24 de 2013. Et ils seront surtout en concert. 2015. Et ils seront surtout en concert. Et ça, on vous en reparlera le 20 novembre, puisqu'il y aura encore des choses à gagner dans les semaines qui viennent. On a oublié de vous parler d'un concert. J'ai encore un peu de temps ou pas? Oui, vas-y. Alors, vas-y. On a oublié de vous parler d'un concert qui s'appelle Random Monsters, qui aura lieu. Alors, c'est des influences un peu ambiantes, post-pop rock. Le concert a lieu le 16 novembre. On vous en reparlera, mais on devait vous en parler ce soir. Donc, c'est le 16 novembre au club. Ça s'appelle The Random Monsters. Et on aura des places à vous faire gagner aussi la semaine prochaine. La semaine prochaine, on se retrouve avec Misanthrope, ici. Donc ça va être bien pour la sortie du nouvel album. On va remercier Sohan de Rapture Farm. Merci à toi. Merci Valérian de MF merci, Crew et de MF à vous deux. Oui, ah. Merci à vous deux. Merci Tom. Et merci Tom aussi, excuse-moi. Et on vous retrouve tous les on deux. On se retrouve après tous les trois. Tous les quatre, allez. Et quatre. On vous retrouve de toute façon tous les deux le 11 novembre pour la soirée Old Friends from Paris. Et on vous rappelle, c'est au backstage by the Mill. Voilà. On en reparlera de toute façon, on aura le temps. Pour l'instant, on se quitte avec Wednesday. Oui, 06 81 28 34, c'est le numéro de téléphone pour gagner les places de ce soir. Le podcast sur le site archive.org, vous aurez l'émission en intégralité sans les gros bugs que vous avez eu sur le streaming. Et puis voilà. Et puis surtout, vous avez encore des CD à gagner de MF Crew, ADX et Rapture Farm au 06 81 01 28 34. Seulement, attention, on vous le dit, il faudra acheter un billet d'entrée au Old Friends from Paris. Et c'est sur présentation de ce billet qu'on vous remettra le CD pour tout ceux qui veulent participer ce soir. Musique. Et puis aussi, puis on peut saluer. C'était rock. Oui, c'était fort, c'était chaud. Et puis surtout, mardi soir, ceux qui n'étaient pas là, vous avez loupé quelque chose. Voilà. Ah oui, Attraction Theory, c'était vraiment parce très bien. Parce qu'on n'a pas parlé, ils étaient avec nous la semaine dernière. Exact. Exact, l'album sort bientôt, et donc, enfin, le EP sort bientôt. Il est sorti chez Gibert, mais il sort officiellement bientôt. Et donc, vous pourrez l'écouter, le mettre dans vos oreilles. Allez, on envoie la musique. C'était rock. Hein. C'était fort. C'était chaud. C'était le Rock Show. Show. À la semaine prochaine avec Misanthrope. Bye bye. Imagine passing the cemetery and seeing an open grave, an open grave, an open grave. So control, shoveling dirt in every hole. Predators to condemn your soul, watching you and watching me. We're all connected but separated, misunderstood and so frustrated. A million armies of one have invaded, watching you and watching me. We live behind glass curtains and act like nothing's wrong. Soon you will belong. I know you're out there somewhere. We've watched you for so long. Wait for you to fall. We'll expose you all. I know you're out there somewhere watching me. Little brother wants to make headlines, be immortalized. Everyone's got an electric eye with the digital spies. They've watched you for so long. I know you're out there somewhere watching me. People are little brother, standing by to dethrone each other, watching you and watching me. Paranoid, the lenses are where Ben, desensitized in our lust for attention, democratized by our voyeur obsessions, watching you and watching me. Slaves to perfection, don't let them project you as you are. Feel your every flaw. Everyone's got an electric eye, we're the digital spies. They've watched you for so long. I know you're out there somewhere watching me. Stay in line, don't make a mistake. We're watching. We watched you fall.